Je crois que je suis fou. Baby, je deviens parano. J'ai trop charbonné pour être dans le fou. Nanana, j'deviens fou. Nanana. Là mon pélo, j'suis dans le coin. Dis-moi, tu voulais combien? J't'envoie un son pop. Mais papa, ton rap, j'casse une gestuelle nord sur du Otibop. Anna Montana, des tana. J'me déplace que s'il y a des tales. Paris ABX, faut charger le cofio. Mets tous les bocaux dans le polo. Tu seras pas riche avec tes pronos. Ni en genre les chiffres du loto. J'suis dans l'automatique, faut que la manuelle. Naturellement, j'dois saigner mon visuel. Maman, t'inquiète pas, j'rentre un peu tard, on est samedi soir. Non, j'vais pas danser, j'vais finir devant de la cam dans les réseaux. Moi ça me déçoit, moi je voulais danser. Moi ça me déçoit, moi je voulais danser. J'sors du bad à mille et bille. J'prends mes souillards, compte pile poil. J'tu l'ennuie. J'sors du bad à mille et bille. J'prends mes souillards, compte pile poil. J'tu l'ennuie. Voulez-vous un peu de thé, monsieur? T'as qu'à proposer. Nous avons du thé noir et du thé vert. Je veux bien du thé vert, s'il te plaît. Attention, il en va loin. J'crois que c'est fou. Baby, j'deviens.